Elle est là quand j'ai besoin, je peux pas m'éloigner. Elle me donne même un coup de main pour payer le loyer. Lâche pas où t'as papier, tu pourrais te noyer. Je sais qu'elle peut me faire glisser, je peux pas la marier. Elle m'a jamais tourné le dos, elle a créé des donneuses de go. Je suis avec le big et bako, poteau, le seul objectif c'est faire monter les dos. C'est une galère pour trouver un soutenir, j'enlève les 4 blagues, j'envoie au Mali. J'ai réussi à changer d'atmosphère, posé dans le 4K, je suis avec Ali. Pourtant je serais prêt à tuer, tu fais partie de ma vie. Ça m'énerve rien d'y penser quand je dois quitter le navire. L'impression que tu m'as mis les menottes. Et je me fais du mal à moi-même. En restant avec toi, je cours à ma terre. Et j'ai une maladie, l'a dit. Et toi, tu es le seul médicament. Mais je comprends pas, tu gâches ma vie. J'en suis conscient, mais bon, je suis à toi. Tous les soirs.